L'actualité à Nancy et ailleurs. Un sourire, un café dans ton quartier, c'est une nouvelle démarche portée par le département de Meurthe-et-Moselle et le Centre communal d'action sociale de Nancy. Mehmet Araz, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de un sourire, un café dans ton quartier ? L'objectif de cette action est pour faciliter l'accès aux droits, lutter contre la fracture numérique, lutter contre l'isolement et s'inscrire dans une dynamique de co-construction d'action avec les partenaires locaux. Je tiens à préciser que c'est une impulsion qui est venue du conseil départemental 54. On a constaté qu'il y avait des déserts institutionnels. Alors, qu'est-ce que j'appelle institutionnel? Là où l'État n'est plus du tout. Le conseil départemental a voulu pallier à cela. En 2011, il y avait bien eu effectivement déjà une première qui avait existé sur le plateau de Haye. Cela a débuté en 2011. Keolis avait mis à l'époque un bus anglais sur deux étages. Arrivé un peu à la fin de son cycle, eh ben on l'a mis hors service. Il datait de 1979. D'accord. En 2024 a été relancé un peu ce principe, peut-être sans un bus, mais comment ça se concrétise aujourd'hui? Aujourd'hui, on a trois sites qui ont été retenus. Jarville, Vendeuvre et Nancy secteur Grand Moulin. C'est là, moi, où j'interviens en tant que bénévole. Et nous avons décidé, par le biais des travailleurs sociaux, des professionnels dépendants du conseil départemental, de commencer notre action à partir du 15 mai. Nous n'avons toujours pas le bus pour le moment, pour des raisons techniques d'homologation, d'accréditation, enfin, administratif. Depuis le 15 mai, nous intervenons de 14h à 17h au 14 rue Véringe, près de la salle Don Bosco. Donc, nous essayons d'aller au devant, dès que nous avons des passants sur notre trottoir ou sur le trottoir d'en face, de pouvoir aller les voir et leur expliquer notre action. Ça permet de les écouter, de les informer. De les informer, de partager un moment de convivialité. Parce que souvent, ce que nous avons constaté et ce que nous constatons en France aujourd'hui, c'est que 30% de la population ne connaît pas leurs droits. Alors, soit ne les connaît pas ou soit n'ose pas demander. Il y a aussi l'aspect probablement aussi se déplacer, le côté géographique également. Et puis surtout parce qu'on a aussi une connotation du mot social qui est très souvent péjoratif. Souvent, je pense que les personnes ne veulent pas qu'on les pointe du doigt. Donc ça a commencé le 15 mai, c'est censé s'arrêter le 3 juillet, c'est ça? C'est ça, le 3 juillet, donc du 15 mai au 3 juillet. Nous avons un endroit où sera stationné le bus. Il a été délimité par la police municipale, par le biais de la municipalité de Nancy. Nous serons là tous les mercredis. Pour le moment, nous ne l'avons pas. Nos actions se font sur le trottoir, dehors, avec des flyers. Nous sommes 4 bénévoles à intervenir sur le secteur de Vérage. Alors, on n'est pas toujours tous là, mais en tout cas, il y a 2 à 3 travailleurs sociaux. C'est surtout des assistantes sociales. Donc, on n'hésite pas à venir à votre rencontre. Là, vous êtes au 14 rue de Véringe à Nancy. Donc, les mercredis après-midi de 14h à 17h pour poser des questions et avoir des réponses surtout. Surtout des réponses. Les travailleurs sociaux notent les demandes des personnes, expliquent. Souvent, on a des personnes qui nous disent « Oh, moi, j'ai besoin de rien ». Et puis, on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps, qu'on prend le temps de parler avec ces personnes, on voit d'autres problématiques s'annoncer et on voit bien qu'elles en ont besoin également, donc elles ont besoin d'aide. Et on les accueille autour d'un café, d'un thé, et puis on prend le temps de discuter avec elles et puis de pouvoir comprendre et surtout qu'elles sachent que nous existons, que nous sommes là pour pallier à des problèmes qui peuvent être sur des droits qu'ils n'osent pas demander ou qu'ils ne connaissent pas. Un sourire, un café dans ton quartier, c'est donc jusqu'au 3 juillet de 14h à 17h au 14 rue de Véringe à Nancy. On peut imaginer que ce dispositif soit reconduit à partir de la rentrée? Eh bien, il sera reconduit effectivement à partir de septembre. Le but est que ce soit pérennisé et que un maximum de personnes puissent venir nous voir et qu'on puisse répondre au mieux à leurs attentes, à leurs demandes, tout simplement. Merci beaucoup, Mehmet Araz. Je vous remercie à vous. L'actualité annoncée ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.